L'amour du baron et celui de Crevel étaient néanmoins une rude charge pour Valérie. Le jour où le récit de ce drame recommence, excitée par l'un de ces événements qui font dans la vie l'office de la cloche au cou de laquelle s'amassent les essaims, Valérie était montée chez Lisbeth pour s'y livrer à ses bonnes élégies, longuement parlées, espèces de cigarettes fumées à coups de langue, par lesquelles les femmes endorment les petites misères de leur vie. « Lisbeth, mon amour, ce matin, 2 heures de Crevel à faire, c'est bien assommant. Oh, comme je voudrais pouvoir t'y envoyer à ma place !»« Malheureusement, cela ne se peut pas, » dit Lisbeth en souriant. « Je mourrai vierge. »« Être à ces deux vieillards, il y a des moments où j'ai honte de moi. Ah, si ma pauvre mère me voyait !»« Tu me prends pour Crevel, » répondit Lisbeth. « Dis-moi, ma chère petite bête, tu ne me méprises pas ?»« Ah, si j'étais jolie, en aurais-je eu des aventures ?» s'écria Lisbeth. « Te voilà justifiée. » « Mais tu n'aurais écouté que ton cœur !» dit Madame Marneffe en soupirant. « Bah !» répondit Lisbeth. « Marneffe est un mort qu'on a oublié d'enterrer. Le baron est comme ton mari. Crevel est ton adorateur. Je te vois, comme toutes les femmes, parfaitement en règle. » « Non, ce n'est pas là, chère adorable fille, d'où vient la douleur. Tu ne veux pas m'entendre. »« Oh, si !» s'écria la Lorraine. Car le sous-entendu fait partie de ma vengeance. Que veux-tu? J'y travaille. Aimer Venceslas à en maigrir et ne pouvoir réussir à le voir, dit Valérie en se détirant les bras. Hulot lui propose de venir dîner ici, mon artiste refuse. Il ne se sait pas idolâtrer, ce monstre d'homme. Qu'est-ce que sa femme? De la jolie chair. Oui, elle est belle, mais moi, je me sens, je suis pire. « Sois tranquille, ma petite fille, il viendra, » dit Lisbeth du ton dont parlent les nourrices aux enfants qui s'impatientent. « Je le veux. »« Mais quand ?»« Peut-être cette semaine. »« Laisse-moi t'embrasser. »